Va du rap sans bling bling. J'accouche de mon passé, ça fait mal car sans péril du rap. Je le couche sur le papier, je crois que je suis une amant. Péril du rap, péril du rap, péril du rap. Elle avait des beaux yeux mais je les ai gâchés par des cernes. Que ma mère accède aux cieux, je l'ai fatiguée pour de la merde. À la peine je suis exposé depuis que ma famille a explosé. Ma vie v'là un exposé, 2K de haut, Mac déposé. MC qui rigole par devant et pleure par derrière, tu me diras. C'est toujours mieux que faire le contraire et qu'il y a pire comme en Irak. Je voulais défier les choses mais je n'ai pu éviter les chocs donc je me scrape. J'ai rattrapé mes larmes en vol avant qu'elles touchent le sol. J'ai sauvé la terre d'un tsunami. Tiens mon ami, prends-moi la main sans m'arracher le bras. Du coup roule avec les mêmes gars. Évite les tasses, évite les crasses, car je veux pas heurter le bas. Le destin on y croit parce qu'au fond tout ça nous rassure. Ça nous fait une bonne excuse, surtout ça rend la vie moins dure. Mais moi rejeter la faute, je pourrais pas m'en contenter. À la mienne, à la vôtre, c'est pour tous ceux qui ont compté. J'avance, je suis comme Arnaud dans l'effort. À quoi sert d'être endurant si tu sais pas gérer l'effort? Moi je fais courir foot locker et je te jure que j'arrive toujours premier. Dans les prix c'est moi le meilleur, mais j'ai mangé dans le même pommier que Blanche-Neige et les sept nains. Mais connais-tu cette fin? Paralysé, conscient, comme sous kétamine au bout de la déprime. Quand tu t'imagines approcher les doigts de la touche supprime. Je vais pas te le cacher, le suicide j'y ai pensé. Ça m'est très vite passé, car ma peine je l'ai pensé. Nourri de l'amour de mes proches, mental en béton dans les poches. Depuis mes larmes coulent puis ricochent et seul le doute m'écorche. Mon cœur saigne aussi docteur, soignez mon hémorragie. Je suis aisé ici mais la vie ne m'inspire que des mots de rageux. Le rap ma thérapie, je considère le mic comme mon seul psychologue. Depuis que mon père m'a dit, ta faute si ta mère finit à la morgue. Chanson, je crois que la déprime en est le refrain. Si ma vie est un album, j'espère que l'outro, moi j'en suis loin.